L'association du district de Yanbian et ses succursales de l'Association générale des Coréens en Chine et la société du district de Yanbian de l'Association des jeunes Coréens en Chine ont tenu le 17 courant un rendez-vous à la ville de Yangtze, province de Jilin, pour féliciter la réussite à l'essai d'explosion de l'ogive nucléaire qui a montré de nouveau le potentiel de la Corée Songun.